Molt benvinguts i molt ben retrobats amb una nova edició de Hola La Music. Sempre començant amb aquesta cançó de French Gall, us donem la benvinguda una setmana més amb el nostre espai, amb una nova edició d'aquests gairebé 60 minuts que dediquem a la música cantada en francès. Avui el nostre primer protagonista és, amb les seves cançons i a través d'un àlbum que ens portava el millor de la seva discografia, en Florent Pagny. L'amour c'est ce dont on rêve, l'amour c'est ce qui nous achève. L'amour c'est comme la mer, ça monte et repart en arrière. L'amour un jour nous brûle et nous glace, nous caresse et nous menace. Souvent nous dépasse. Mais s'aimer de part et d'autre, s'aimer mais tellement côte à côte, se nouer pour ne jamais avoir à pleurer, s'aimer au point de ne plus pouvoir se quitter, de part et d'autre mais rester seulement côte à côte. L'amour c'est ce que l'on s'aime, l'amour c'est ce qui nous emmène. L'amour c'est ce qui nous tient, l'amour c'est ce qui nous atteint. L'amour, ça libère et ça détruit, c'est une faille et un abri. Un silence aussi. Mais s'aimer de part et d'autre, s'aimer mais tellement côte à côte, se nouer pour ne jamais avoir à pleurer, s'aimer au point de ne plus pouvoir se quitter, de part et d'autre mais côte à côte. Éloigner ses pas de ses douleurs, pouvoir enfin s'aimer, laisser voler ses intuitions au gré du vent, laisser courir ses illusions, s'aimer de part et d'autre, s'aimer mais tellement côte à côte, se nouer pour ne jamais s'aimer au point de ne plus pouvoir se quitter, de part et d'autre mais rester seulement côte à côte. S'aimer seulement main dans la main et sans témoin, se nouer pour ne jamais avoir à pleurer, s'aimer au point. Escoltarem diverses cançons d'aquest disc que ens porta en Florent Pagny, un recopilatori, com dèiem, publicat el 2008, d'una part i de l'altra, cançons com aquesta que acabem d'escoltar, d'una part i de l'altra, el Conte de Bizon i l'Ojet de Magna, seran les cançons que escoltarem d'aquest protagonista, excel·lent protagonista que avui obrirà, obre el nostre espai, nascut a França el 6 de novembre del 1961, consagrat també com a actor en el seu moment, apareguent en diverses pel·lícules franceses, enregistrat en nombrosos idiomes, francès, italià, espanyol, castellà, anglès, i grans èxits com cançons com aquella tan cèlebre Ma liberté de penser, La meva llibertat de pensament, o El sauvoi-me, o El caruso, que va ser un número 2 a França. Més de gairebé 4 milions i mig de còpies venudes de senzills i 7 milions i mig d'àlbums, totalitzant més d'11 milions de còpies venudes a França. És un dels artistes més destacats de la història de la música francesa, fins i tot quan va viure a la Patagònia Argentina per fugir de les autoritats tributàries franceses. És un personatge que ens acompanyarà els primers minuts del nostre programa amb les seves cançons. Vu le dernier des Mohicans faire la manche place de Clichy. Dans la fureur et dans le bruit, il m'a dit tout doucement: mon ami, tu marches sur la tête, même si ton sort paraît enviable. Est-ce que l'esprit de tes ancêtres passe dans ton téléphone portable? Et j'ai gravi cette colline, j'ai contemplé l'horizon, à l'heure où le soleil décline, et j'ai compté les bisons. J'en tuerai 4 avant la nuit, ça suffira pour la saison. Je rangerai mon fusil et les autres grandiront. J'ai vu le dernier des Apaches, il se fichait perdument d'où était enterré sa hache. Il m'a dit tout simplement: mon ami, cette terre est la tienne, sans titre de propriété, mais garde toujours quelques graines de ce que tu as récolté. Et j'ai traversé cette plaine, le vent m'a soufflé sa chanson, le sang qui coule dans tes veines, c'est le même que les bisons. J'attendrai la fin de l'hiver et je quitterai la maison, comme j'ai toujours vu faire mon père, et je compterai les bisons. Je gravirai cette colline, contemplerai l'horizon, à l'heure où le soleil décline, et je compterai les bisons. J'en tirerai 4 avant la nuit, ça suffira. Estàs escoltant Hola La Music, un programa amb Rafael Corbí. C'est au bout du regard vie ici ne sera jamais rien que ton ami. C'est au fond de tes yeux, là où le monde effleure tes rêves, là où le bonheur n'est plus un mystère. C'est là que je t'emmènerai sur la route, et si le soleil le savait, mais j'en doute, il viendrait. Là où je t'emmènerai, aucun doute, il s'inviterait pour nous éclairer. Nous longerons la mer, nos vies couleront sans un hiver, comme un matin d'été, un courant d'air. Écarte les nuages, je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Regarde là-bas, c'est là que je t'emmènerai sur la route, et le soleil s'il le savait, mais j'en doute, il viendrait. Je t'emmènerai, aucun doute, il s'inviterait pour nous réchauffer, nous accompagner. Protéger, sans t'étouffer, je t'emmènerai. Aquesta és la música d'en Florent Pagny, que ens acompanyava amb el programa d'avui. Un cop més, donem la benvinguda a l'Àngel Rodríguez per la seva col·laboració setmanal amb el nostre programa Olala Music. Què tal, Rafael? Com estàs? Ara fa poc que us vaig parlar del cantant Amir i us vaig oferir la peça O Cœur Moi. Us vaig prometre que en breu el tornaríem a escoltar perquè és un dels cantants contemporanis de més èxit a França. Amir Haddad, més conegut per Amir, nascut el 1984, va representar França en el Festival d'Eurovisió del 2016 amb el tema Je Cherché, quedant en sisena posició. Crec sincerament que es mereixia quedar en millor posició i fins i tot guanyar. L'escoltem, Je Cherché, Amir. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait. putain de liqueur amère que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh you, you. Hem escoltat la música que ens en recomanava el bon amic Àngel Rodríguez Lamer, aquest cantant que ens ha portat en el dia d'avui. El següent dels nostres protagonistes és un personatge que va rebre moltes influències del rock and roll, tot i que ningú li deu tant als forns originals com en Johnny Hallyday. Les seves apropiacions de Elvis Presley o de James Dean van captivar la imaginació dels francesos i de les franceses, encara que no van anar a conquerir el públic nord-americà o públic britànic. Els seus ingredients perfectes es van juntar també a la seva vida per fer les delícies de l'aleshores premsa sensacionalista. El seu atractiu radicava en la seva habilitat per conservar la seva essència francesa mentre explorava els fenòmens culturals estrangers. Avui també recordem cançons de Johnny Hallyday. Toujours trouver les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Qui pouvait soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force de se confondent. tu me renvoies comme un miroir mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se comprend à présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe, au-delà de nos différences. Force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Au-delà de nos différences, à force La Music, un programa de música en francès amb Rafael Corbí. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. À la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens ouvrent des lits, ont des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche. il passe. Ami, si tu tombes. Ami, si tu tombes. Un ami sort de l'ombre. Ami sort de l'ombre. À ta place. À ta place. Demain du sang noir. Demain du sang noir. Séchera au grand soleil. Séchera au grand soleil. Sur les routes. Sur les routes. Chantez, compagnons. Chantez, compagnons. Dans la nuit, dans la liberté. La nuit, la liberté. Elle nous écoute. Nous écoute. Chantez. Allez, chantez. Chantez, compagnons. Johnny Hallyday, com hem dit, un personatge carismàtic dins de la música en francès. Avui també ens acompanyava amb el nostre programa, nascut com a Jean-Philippe Léo Smet, de pare belga, mare francesa, nascut a París, el 15 de juny de 1943. I extraordinari, com hem dit, intèrpret, però també protagonista de diverses pel·lícules i sobretot de multitud d'àlbums en directe. Avui recordem cançons com aquest Diego també amb el nostre programa. Derrière des barreaux, pour quelques mots, qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. déjà mort peut-être. Doncs fins aquí aquest repàs també a la música en tres de les cançons que ens aportaven Johnny Hallyday, el nostre segon protagonista. Avui us farem escoltar, no contem amb la col·laboració d'en Ciril Torres, però sí amb una cançó que ens ha recomanat, perquè la seva música i la seva experiència ens acostem fins al Congo per escoltar música d'aquesta formació que ens arriba ara mateix, una formació anomenada Suku Sous, i que ens porta bona música i bon ritme. Soul Coast és una formació que avui ens conduirà a la peça anomenada Volevo Dansa. Thank you.

quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux Lily Marley, tous deux Lily Marley. Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument, joue contre joue, bien des serments, tous deux Lily Marley, tous deux. Le temps passe vite lorsque l'on est deux. Hélas, on se quitte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets lorsqu'il fallait nous séparer? Dis-moi, Lily Marley, dis-moi, Lily Marley. Vorder caserne, vordem grossem tor, stanaine laterne, ustis in ordavo, so volvir da uns wiedersehen, bei der laterne, volvir stehen, wie eins Lily Marley, wie eins Lily Marley. La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger, aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lily Marley, dis-moi. Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Lily, Lily Marley, Lili, Lili Marley. Escoltes la música de Lenny Escudero a Hola La Music. Viens, Lili Marley. Esteu escoltant Hola La Music. Hola, la Music vol amb la música en francès i una vegada més en rebem la visita del nostre col·laborador, en Hamid, que ens acompanyarà amb la seva selecció musical per aquesta setmana. Què ens porta per al programa d'avui, en Hamid? Zap, mama, allo, allo. En fait, j'ai voulu te téléphoner pour te demander allo, quelque chose, quoi, yeah. Oui, mais moi j'en ai assez. Elles ne font que m'appeler. Oui, mais moi je vais me fâcher. Il est bon à la sauve. La música que ens ha portat amb aquesta col·laboració d'avui, el nostre amic Hamid. Zap, mama. Allo, allo. Doncs bé, amb la col·laboració d'en Hamid hem arribat al final del nostre programa per aquesta setmana. Ha estat Olala Music, el programa de música en francès. I ho fem amb una de les cançons destacades del 2017, en format de senzill a França. Començament de 2017, aquesta cançó va ser una de les més destacades del top 10, del top 10 de les llistes franceses. Una cançó de Patrick Fiori i que ens acompanyarà amb aquests darrers minuts. Per estimar-se millor, un tema excepcional per posar punt i final a l'edició d'avui de Olala Music amb Rafael Corbí. Elle traverse nos vies, elle nous élève vers l'infini et nous font sortir de la nuit. Elle nous remplisse le cœur, nous remue de l'intérieur, nous mène souvent vers la douceur. Un regard perdu, un homme brisé, un enfant voulu, une vie sauvée. Il y a toujours une larme pour s'inviter. Peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on vit, elle nous laisse toujours le choix pour sortir de l'ennui. Peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on vit, elle nous laisse toujours le choix. Cachées dans les mots, elles sont le reflet de nos mots, finissent par nous rendre plus beaux. Elles sont parfois le désespoir, se rangent souvent dans nos tiroirs, mais nous laissent toujours un espoir. Un regard perdu, un homme brisé, un enfant voulu, une vie sauvée. Il y a toujours une larme s'inviter. Peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on dit, elle nous laisse toujours le choix pour sortir de l'ennui. Peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on sont murmurées, on n'ose pas toujours les montrer, elles nous rapprochent pour mieux s'aimer.